Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Stop les mouns. Et moi, c'est Jess PVM, toujours bipolaire, toujours concierge, toujours sobre. Et vous le savez, à Deux Fifs le matin, souvent, hein, j'ai un personnage d'air bête, un peu amer et un peu acide. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment juste pour quand je suis au micro, avec les amis, au travail, en famille, chez nous ou en social, le reste du temps. Le reste du temps, là. Je suis douce. Quand elle dort, là. Quand je dors, là. Toujours dans l'ordre du rose, moi, c'est Charlie Morin et je fais des « Je vous salue, Marie » le soir non-stop pour implorer la page des Meme Geeks de nous sortir des footage de CoverGirl, l'émission de Radio-Can sur des drag queens. C'est sûr, ça m'a vieilli. C'est sûr, c'est une horreur. Puis le public a le droit de savoir. Ben là, donne-leur pas des idées parce que moi aussi, je fais des mimes. Je vais les garder, ces idées-là. Oublie ça, Thomas. Oublie ça, ça te concernait pas. Ça te concernait pas. On passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est avec notre humoriste préf. Elle est fucking drôle. C'est la seule personne qui n'est pas une fan de Céline autorisée comme invitée sur l'émission. vous la connaissez sûrement à travers son podcast Chosen Family sur CBC et les nombreux shows auxquels elle participe, dont Sainte Céline. La gang, on est avec Trana Wintour. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, pas mal. Moi, ça va exécrablement mal. Moi non plus, ça va pas bien. Je sais pas comment tu fais pour aller bien, Trana, comment? Mais c'est pas vraiment... comme c'est pas la vérité. OK, parfait, c'est une formulation polie. C'est juste que je ne sais plus comment répondre à cette question. J'étais comme, c'est quoi ton secret de bord, là? Parce que si je dis la vérité, c'est juste trop compliqué. je suis même pas... Je sais même pas où comment commencer, okay, honnêtement. Je me sens beaucoup mieux de savoir que tu vas aussi mal que nous. Don't worry, of course. Aujourd'hui, avec Trana, on parle du milieu de l'humour à Montréal et de ce que ça veut dire d'être queer dans ce milieu-là. On s'intéresse à la scène de l'humour. Est-ce qu'elle est accueillante pour nous, les queers, ou est-ce qu'elle ne l'est pas? On se demande qu'est-ce qui est le plus productif, radicaliser la scène grand public ou se créer une scène plus nichée. Et finalement, on se demande si c'est si difficile que ça faire de l'humour qui soit pas oppressif. Parce que bien sûr, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire! Fait qu'on s'en va prendre notre premier petit café. Ah oui. Puis on revient dans 20 secondes. I'm Trana Winter. I'm a comedian. I kind of hate that word. I'm also transgender, and I'm a little bit tired of every time I come up on stage having to start with, "Hi, I'm transgender." It's not like when male comedians get on stage, they have to start by saying, "Hi, I'm problematic." Donc, de retour avec Trana Wintour, l'extrait qu'on vient d'entendre est tiré de The Walrus Talks Disruption à Toronto ou Toronto. Toronto pour les intimes. Comme dans Toronto. Comme dans Toronto. Toronto. Il y a tellement de monde à Toronto qui pense que mon nom, Trana, est Toronto. Non! Hey, oh, wow. Oh, les pauvres. Toronto Wintour. Free drag name, free name. C'est sur le marché. C'est quelqu'un qui veut s'appeler Toronto Wintour. En très peu de temps, t'as dit pas mal de choses intéressantes, mais d'abord, on se demandait pourquoi tu dis que t'aimes pas le terme « comédien » qu'on pourrait traduire par « humoriste » en français. Ou est-ce que « humoriste », ça le fait plus? Non, « humoriste », mais j'imagine que si j'étais francophone, que j'aurais la même relation avec ce mot. Ouais. Mais comme je suis anglophone, le mot « humoriste » n'a pas tellement de connotation pour moi. Ouais. Mais en anglais, le mot « comédien », pour moi... C'est sûr que, you know, I'm joking a little bit, too. Ouais. But c'est juste que quand je pense au stéréotype de ce qui est un comédien, je suis pas du tout ça. Ouais, clairement. You know, like, quand je pense au terme comédien, je pense vraiment à des, you know, des hommes cis, hétéros, blancs, qui sont pas drôles, who are rapists. And je ne veux pas m'associer à ça, honnêtement. Non. Et alors, je pense que pour moi, j'aime... créer une sorte de distance entre moi-même et ce mot pour faire quelque chose qui ressemble plus à qui je suis et qu'est-ce qui m'intéresse. Ouais. Comment tu te décrirais? Performer, showgirl. Uh-huh. Ouais. moi, j'ai aimé... chanteuse. Showgirl. Elusive chanteuse. Moi, j'ai vraiment aimé l'article de la presse qui présentait la Saint-Jeanne, auquel on a participé tout le monde ici. Oui, on était sur le même show, mais vu que c'était virtuel, c'est comme c'est si c'était ça. On s'est pas croisés en coulisses. la presse était comme Trana Wintour, humoriste transgenre et anglophone, puis j'étais comme, yes, intersectionality. Exactly. Exactly. Got to check all the boxes. C'est you know? Comme... comme j'étais l'année passée. Bon, non, c'était pas l'année passée. C'était cette année, mais avant la pandémie. Je me préparais comme mon premier solo show en français que j'allais faire à Dr. Mobilo Aquafest. Ouais. C'était un show que je pensais faire comme ailleurs après, comme à Dr. Mobilo, ça aurait été comme la première. Ouais. Mais j'essayais tout le temps de trouver comme un titre pour le show. Ouais. Et comme je pensais à le titrer quelque chose comme la description de la oui, presse. Non, c'est, parce know, que c'est, comme, c'est je magique. Je pensais l'appeler comme juste l'anglophone transgenre de Pierrefonds. Ah! Mais quand, puis, c'est ça, ils ne savent pas à quel point c'est de la poésie, là, des choses comme ça. Quand tu lis ça, puis tu es juste comme « wow, all right ». Justement, c'est quelque chose que tu as dit souvent, que comme comédienne ou comme performeuse, tu dois te présenter oui. comme une femme trans. Mm-hmm. Ça se passe comment? Comme, parce qu'on s'entend que l'humour, même underground, c'est un boys club. Oui. Comment ça se passe? C'est une question un peu naïve, parce que j'ai pas l'impression que tu vas me dire que c'est Wonderland, mais... Mais c'est parce que si j'annonce pas que je suis transgenre, spécialement quand c'est un public qui est largement cis-hétéro, ouais. like, je sens leur hésitation. Ouais. You know? C'est comme ils sont en train de déchiffrer qui tu es. Ouais. Je pense que à un certain point, on a tous cet instinct. C'est quelque chose qui est vraiment appris qu'on veut comme on veut mettre des gens dans des boîtes. Ouais. C'est pas mon style à moi. Moi, j'adore l'ambiguïté et, ouais. et comme you know, I don't need to know everything about someone. But ouais. si je le fais pas, cette hésitation ça reste. Ouais. Et je sens qu'ils ne sont pas en train juste d'écouter de have fun. You know? Ouais, so, ça coupe la fluidité du show exactement. Parce que pour eux autres, il y a comme des question marks. Exactement. Alors qu'un public différent pourrait juste comme live for whatever you're saying. Exactement. Ouais, ouais, ouais, exactement. Ouais. Alors, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je dois toujours faire. Sinon, ça nuit à l'expérience. Ça nuit à mon show. Puis c'est quand même une position étrange à naviguer que de sentir comme outsider de par comme ton identité parce que là, après ça, genre, quand t'en parles, là c'est comme « Ah, tu parles juste de ça », mais quand t'en parles pas, t'as quand même cet angle-là aussi mm-hmm. à amener parce qu'on est qui on est aussi, oui. tu sais. Puis j'ai l'impression que ça devient comme tout le temps un reproche, puis en même temps, mais comme tu le dis, genre si c'est pas quelque chose qui est dit ou qui est comme compris du public, ça reste un obstacle. Exactement. La seule chose qui devient dure, c'est juste que, like, parce qu'il faut que je le présente en même temps d'être drôle. You ouais, know what ouais, I mean? Je ne peux pas juste dire « je suis transgenre mm. ». Il faut que je le dise en faisant un joke en même temps. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et j'ai vraiment comme... j'ai plus d'idées. Like, ouais. J'ai déjà comme... j'ai comme 3 jokes principalement que you know, j'ai en rotation pour m'introduire. Ouais. But like, how many funny ways are there to say you're transgender? You know, mm. like... Surtout si tu te sens comme obligé de le dire, c'est exactement. Sûr qu'à un moment donné, t'as pas l'inspiration, t'es pas comme « Oh my God, un nouveau filon, this is great ». Mais en fait, c'est là que j'ai eu l'inspiration de faire le joke qui était dans le clip que vous ouais, avez ouais, joué, ouais. que je suis tanné de le faire, ouais, et je ouais, le ouais. dis au public. Oui, oui, oui, you ouais, know, ouais. like, why do I have to do this? Puis aussi, ça les amène à se questionner sur le fait que comme, pourquoi ça t'a rassuré? Exactement. Ça, et en fait, même en le réécoutant, comme quand je, éventuellement, je serai sur scène de nouveau, like, I'm going to take that joke further. Et maintenant, je vais dire que c'est pas comme si les hommes qui font l'humour doivent s'annoncer qu'ils sont... How do you say rapist in French? Ouais, des agresseurs. OK. Wow. Moi, je dis juste humoriste. Parce que je pense... Mais c'est rendu presque à ce point-là. Ouais, ben ouais, non, you clairement. Know? So, je pense que quand je reviens sur scène, je vais le pousser encore plus loin parce que c'est plus problématique. Ouais, c'est ouais. comme... Ouais, ouais, ouais. C'est rendu plus sévère. Ouais. Oh, ouais, to the next fucking level. Ou, en tout cas, maintenant, on sait. C'est ça, c'est oui. C'est pas devenu... Yeah, mais, tu as raison, mais, exactement. Mais c'est quelque liste, chose... s'allonge, s'allonge, exactement. S'allonge. Même dans le milieu underground, parce que oui, OK, il y a des gros noms là, qui sortent, bon, fine, mais comme même dans le milieu... Là, on se rend compte que c'est vraiment une culture... Mm-hmm. Ouais. On est-tu surpris que ce soit une culture qui soit bien installée? Je veux dire, on le sait dans la société. Yeah. Mais je pense que ça revient, ça touche vraiment aux premières questions. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette hésitation avec le mot humoriste et comédien. Ben ouais, ben you know? Ouais. Parce que c'est ça qui est débile. Le monde a besoin de savoir que t'es une femme transgenre, mais les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est des rapistes. Mais c'est ça que j'avais... J'ai publié ça sur Instagram dernièrement. Like, c'est exactement ça que j'ai dit. Comme les humoristes queer, on est toujours comme... On est toujours donné des étiquettes. Ouais. You know, like, alors si tu es queer et tu fais l'humour, comme, il y a vraiment un terme du côté anglophone en humour qui existe qui s'appelle queer comedy. C'est comme vraiment devenu un terme. And I'm like, why is it called queer comedy just because we're queer? It's like, it's not called rapist comedy when these guys are doing it. Le festival s'appelle pas juste pour les cis. Oh my god. Mais est-ce que tu penses que quand même en 2020, les personnes queer et trans qui font de l'humour sont comme plus pris au sérieux? Ou, parce que on peut pas dire autant parce que on n'a jamais accès au plein privilège. C'est ça. C'est une bonne question, mais je pense que vraiment avec la pandémie, comme tout a explosé, you know, like nothing makes sense anymore. Le système qui existait avant, pas juste dans l'humour, mais quand même dans le monde de l'humour, comme je sens que tout a changé. Like it's like c'est comme si tout a vraiment comme explosé. Et présentement, j'ai comme aucune vision du monde de l'humour parce que c'est tellement fracturé maintenant. Puis c'est de l'événementiel aussi. Fait que tu sais, comment ça va revenir, dans quelles conditions, quand, qui va avoir survécu à ça. T'sais, parce qu'il y a aussi un truc de comme, ben, les gens qui sont émergents puis qui vivent pas comme Patrick Huard ou Martin Matt. Là. Ouais. Genre, tu sais, financièrement, comment tu hold on? Comment tu arrives à comme continuer à faire ça? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours pris l'approche de diversifier ma carrière et pas juste faire l'humour. Mais ça, c'est juste... je ne dis pas ça comme c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, mais c'est juste que moi, j'ai plusieurs intérêts. Ouais. You know, c'est pas juste l'humour qui m'intéresse. Ben, ça paraît dans vos shows. Tu sais, je pense, moi, j'ai vu Sainte-Céline deux fois, je pense. Puis... c'est un cabaret, là. C'est pas juste de l'humour. Il y a, ben, généralement, il y a Crystal Slipper qui est là, qui va faire des personifications. Il y a des fois un DJ. En tout cas, il y avait un DJ pour le show sur Britney l'année passée, ça je me rappelle. Well, il est DJ, mais aussi chanteur. Oui. Mais c'est justement, c'est vraiment des shows de variété. Oui. Moi, je me demandais, parce que tu fais généralement de l'humour en anglais, là, tu allais commencer plus en français. Est-ce que c'est plus facile en anglais parce qu'il y a plus de milieux underground puis que le marché est plus gros, ou justement t'as l'impression que le market is so big que c'est une goutte d'eau genre dans l'océan? Mais c'est le fait d'être au Québec, c'est comme l'inverse. Comme du côté anglais, il y a vraiment pas grande opportunité du tout. Ouais. Quand on parle du restant du Canada et Amérique du Nord, oui, c'est comme limitless. Ouais. Mais être une humoriste anglophone à Québec, c'est comme il n'y a pas grande opportunité. Ouais. Alors que, proportionnellement à la population, le monde de l'humour en français au Québec, genre, il y a du cash, là. Il y a du monde qui en vive, là. Absolument, et c'est pour ça que j'ai commencé à le faire en français. Ben oui. Mais pas juste ça, mais parce que j'avais vraiment le désir de me lancer cette challenge également. Ouais. Parce que pour moi, comme, je pense qu'à la base de tout ce que je fais, que ce soit l'humour, la musique, le podcast, c'est comme... j'ai vraiment toujours juste l'envie de unir le monde, you know? Même juste pour une heure. Pas, je parle pas dans la vie ou d'une manière permanente, mais juste pour l'instant que je suis sur une sorte de scène, like, c'est toujours ça mon but. Mm. Alors pour moi, le désir de faire l'humour en français, c'est juste d'aller chercher un nouveau public, rencontrer d'autres gens, et aussi, c'est sûr, like, business-wise, like, ça fait du sens. Et je pense que pour moi, ça fait du sens parce que chaque fois que je fais l'humour en français, la réception est comme mind-blowing. Ah ouais, comme, ah, c'est hot. Honnêtement, je reçois jamais ce type de réaction en anglais. Ah like, ouais? Même quand on a fait Saint-Jean, cette soirée-là, j'ai eu comme plus que 100 nouveaux followers. Ouais. Ça arrive jamais. Mm. You know, quand je fais un show en anglais, j'ai comme peut-être un ou deux followers de nouveau après le spectacle. Vous avez aimé ça, nice. Parce que je pense que du côté anglophone, au niveau du public, pas juste... je dirais en fait que c'est mieux à Montréal qu'à Toronto, mais généralement, il y a cet esprit de... c'est comme le public ressent qu'ils sont mieux que vous, mieux que les performers. Ah ouais. Ah ouais. So they kind of sit there and they're like, impress me, you know? Mm. Et même s'ils aiment ce que tu fais sur scène, ils ne s'impliquent pas à toi, ils ne s'impliquent pas à ta carrière, ils ne veulent pas te suivre. Ah, OK. Mais quand, quand je le fais en français, honnêtement, like, je ressens, like, je reçois des messages, des DM, des personnes. Mais, et je pense que c'est parce que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'humoristes transgenres à Québec. Mais c'est ça, c'est ça que je me demandais aussi. Je me suis dit probablement que, genre... Je veux jamais dire que je suis le seul et que je suis la première parce que c'est jamais le cas. Non, c'est jamais le cas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes queer et trans visibles qui font de l'humour en français au Québec. Fait que, tu sais, comme il y a clairement une demande, un besoin c'est ça. Pour ça. Mais je pense que ce besoin est également pour le public hétéro cis. Parce que pour eux, c'est également comme... It's like a whole new story. You know, mais que finalement, c'est pas une histoire qui est si différente. Parce que, à la base, quand je parle de mon identité, ça, c'est une histoire universelle. You know, la recherche de soi, c'est universel. C'est juste que mon histoire et chacun de nos histoires a des particularités uniques. Mm-hmm. But, you know. Puis il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant dans la mesure où, comme un public straight peut se mettre en position d'écoute. En écoutant un stand-up, puis rire aussi, avoir du fun, mais apprendre quelque chose. Exactement. Puis ressortir avec, genre, une nouvelle perspective qu'il n'y aurait pas si, genre, il faisait juste, comme, voir une femme trans dans un bar, se demander... Exactement. Mais plus, genre, et c'est sûr que c'est jamais mon but de faire apprendre, qu'il n'y a vraiment rien de moins drôle que ça. Ouais. Mais je pense que, justement, c'est quelque chose qui arrive organiquement et naturellement. You know, et je pense que aussi parce que quand on regarde souvent des émissions de télé ou des films, l'expérience transgenre est toujours quelque chose de très dramatique et généralement quelque chose de très triste. Et quand moi je me lance sur scène, I'm like, hello, I look amazing. Je me célèbre, you know, et je célèbre comme, you know, l'identité trans en général, parce que c'est également une identité et une expérience joyeuse. Oui, oh my God. Oui, parce que c'est important d'amener le public ailleurs, parce qu'on en a déjà parlé quand on a fait le Trans Takeover l'année passée, les deux invités y en parlaient, ils étaient comme... dans les émissions de télé, les reportages ou les séries, c'est toujours axé sur la transition, sur les interventions médicales, sur c'était quoi ton ancien nom avant? Exactement. Puis c'est... Et ça donne que... Même pour les personnes qui sont progressifs, ils ont toujours une idée que je dirais comme antiquated de l'identité transgenre. Parce que tout le monde met toujours, jusqu'à maintenant, l'emphase sur comme l'apparence physique. You know, like that's the number one thing. And je pense que c'est temps qu'on traverse ce point de discussion, you know, parce qu'il y a vraiment comme... l'expression de cette identité est unique à chaque personne transgenre. Et c'est pas toutes les personnes transgenres qui veulent faire ce type de transition qu'on voit à la télé ou qu'on voit au cinéma. Et c'est pas que cette transition n'est pas valide non plus, c'est juste qu'il y a plein d'identités, plein de différentes expressions qu'on voit pas. On les voit pas. Puis le seul point commun, c'est actually vivre de la transphobie. Genre, c'est pas comme, c'est comme, y a pas une transition pareille, mais l'oppression est la même. Fait que là, est-ce qu'on peut comme shifter, genre, le focus pour exactement. Un moment? Exactement. Est-ce qu'il y a une scène, parce que t'as fait référence à le nouveau terme queer comedy, en anglais, plus j'imagine en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a une scène humoristique queer à Montréal? Oui, absolument. Je pense qu'à chaque grande ville en Amérique du Nord, et j'imagine, you know, en Europe sûrement, et en Australie, ou peu importe, une ville qui a une scène d'humour, à ce moment-ci, a sûrement une scène underground de queer comedy. Alors oui, il y en a à Montréal, c'est assez petit, parce que, encore une fois, juste la scène anglophone à Montréal est petite pour commencer. So, vous pouvez imaginer que le queer comedy scene à Montréal est très petit, mais comme incroyablement brillant. Incroyablement. Puis, est-ce que le milieu queer comedy à Montréal est un peu comme le milieu gay à Montréal en général? C'est comme plein de tapettes blanches cis. Non, c'est plus diversifié. Honnêtement, oui. Et je pense que cette scène de queer comedy est comme un refuge pour certains hommes cis homosexuels qui ne sont pas à l'aise dans ce monde du village, you know. So, je vois dans le milieu de queer comedy, like, there's a lot of jokes about that world. Ouais, c'est clair. You know? Ouais, parce que je me le demandais, parce que, tu sais, je suis allé voir des shows plus underground, comme l'année passée, avant la quarantaine, avant que tout chie. Puis comme, il y avait quand même quelques humoristes homosexuels. C'était tous des gars dans ce cas-ci. Puis j'étais quand même surpris par leur délicatesse parce qu'ils parlaient d'homosexualité. On dirait que c'est un peu obligé des fois. Puis j'étais comme, I can get queerer than that. Easy. Right, yeah. Puis je sais pas si c'est parce que j'étais au mauvais endroit ou si... Mais peut-être il y a également une différence entre le scene queer comedy anglophone et francophone. Ah, c'était un show bilingue, c'était bonjour. Oh, c'était un show bilingue. Ouais. Oh, OK. But c'est... Well, I mean, I don't know if I'm wrong. But c'est pas Thomas qui fait le booking. Et ah, le okay. gars qui faisait le booking de ce show-là était straight. Ah, bon, ben. Je pense pas que c'est un secret parce qu'il était coproducteur du show. Et je dis pas d'une une man... C'est pas un critique. Non, non, non, non. Mais c'est juste pour expliquer que c'est peut-être pour cette raison-là que c'est... Que c'était c'est, pas les plus weirdo. C'est ça, parce que dans les shows que moi, je produisais un show mensuel qui s'appelait Stand Back, qui était oui. un show queer et féministe. Et on a eu quand même des performances... like super extremely queer and like radical. Love that. Jusqu'au point que même dans le public, pas dans une manière négative, mais que je ressentais parfois le public, même c'était comme la matériel de certains performeurs était choquant. Oh, well, it's a challenging thing. Yeah, mm-hmm. yeah. Which was fun. Like, I remember one comedian talked about like shitting on someone and like. Ah, moi, s'il n'y a pas de joke de caca sur une graine, I'm not there. Je m'excuse. Genre, we go there. This is queer comedy. Je yeah. reconnais mon babe. My God. Hey, ben, fait que c'est, je pense que c'est une excellente conclusion ça, hey, pour yeah. un premier segment. On s'en va rire tellement fort que le café va nous ressortir par le nez, puis on vous revient overcaféiné. Ça fait qu'on était tous les trois de blanc vêtu, puis après avoir ri à gorge déployée avec notre café dans la gueule, à se cracher ça dessus, on est rendu habillé en tie-dye, brown cow, stunning, twist shows. Twist shows. En fait, on a ce type tank top blanc et plus blanc. Fait que plutôt, on parlait de scène mainstream, cis, de l'humour à Montréal, puis de scène queer et tout, puis on se demandait, est-ce que la scène mainstream straight cis est un lieu à conquérir pour nous, ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'eux autres puis c'est eux qui ont besoin de nous? Oh mon Dieu. T'as-tu envie de briser le plafond de verre? Oui, c'est sûr. I mean, c'est très compliqué, honnêtement, parce que je pense que dans ma vision un peu utopie, ouais. c'est sûr que j'aimerais comme dire qu'on n'a pas besoin du mainstream, c'est le temps de créer ouais. quelque chose de nouveau, mais... On vit présentement dans un moment de révolution aussi. Alors ouais, peut-être ouais. c'est finalement quelque chose qui sera possible dans ce domaine également. Et le fait que, you know, c'est sûr que les shows reviennent peu à peu, but c'est quand même, you know, notre industrie est vraiment comme sur pause en ouais. ce moment. Ça, c'est vraiment le temps de décider qu'est-ce qu'on veut, you know? Et je dirais que pour moi, pendant ces derniers mois, like, I just don't give a fuck anymore. Ouais. You know, like, ouais. j'ai plus de patience pour les choses que je tolérais avant. Ouais. C'est très difficile à répondre, mais je pense que, peu importe, c'est toujours à nous de faire notre place, qu'on fait sur l'underground ou que l'on fait sur le mainstream. C'est tout de même comme une sorte de combat. Ouais. Puis tu sais, dans l'humour au Québec, je trouve qu'avant, c'était vraiment quasiment que des hommes. Puis il y a quelques femmes qui sont arrivées, qui ont comme tout cassé, qui étaient comme des... Genre, qui vendaient full le billet, que les gens se pitchaient. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de moi qui aimerait voir ça. Oui. Genre, quelqu'un de queer, de unapologetic, que genre... Absolument. Les straights en banlieue se déplacent pour But genre aller le voir. Mais on le fait, peu à peu. Oui, we're taking control of the mainstream slowly, mm-hmm. Parce know? Que je pense que les straights ne savent pas à quel point on est drôle, en fait. Exactement. Je pense qu'ils ne comprennent pas c'est quoi de l'humour queer, en fait. Mais c'est ça que je pense... Je ne sais pas c'était qui, mais je pense que j'ai vu un humoriste qui disait quelque chose à l'effet de... qui parlait du terme queer comedy. And essentiellement, elle disait que... c'est pas vraiment quelque chose qui existe parce que straight comedy is not a thing. Ouais. Like, parce que les straights sont pas drôles. comme dans l'expression and, straight man. C'est sûr que c'est pas vrai, but je pense que... I don't know, il y a juste... Peut-être c'est parce que tout le monde queer à un certain point a une sorte de identity crisis, you know, qui nous informe. Et que dans ce qui vient avec ça, c'est qu'on est des gens questionnants, you know, we question everything. On questionne notre identité, on questionne notre monde. On est confrontant pour eux autres. On est plus réflexive et introspective. Et je pense que ça contribue à notre humour. On est plus sophistiqué. Oui, c'est ça. Ah non, les... But je sens... I'm not saying that other people aren't, but je pense que c'est important d'être unapologetic, you know, parce que, et de prendre notre place. Mais ce qui est plate, c'est que des fois, j'ai l'impression que quand, quand t'es une personne qui subit une certaine forme d'oppression dans un milieu de comme straight cis, il faut que tu sois comme fucking impeccable. Genre, yes. Il faut que tu sois comme tellement solide, t'as aucune marge pour l'erreur, il faut que tu sois comme digeste pour le public. Faut... Puis je trouve que c'est tellement de pression, tu sais. Je pense, tu as absolument raison, cette pression existe, c'est réel, but personnellement, je... I don't think about it. Et si je, si je pensais de la pression dans cette manière-là, j'aurais peut-être trop peur de le faire. Mais il faut pas. Là. Comme je m'en souviens même quand j'étais sur l'émission L'Open Mic, sur Canal V, et j'avais vraiment ce sentiment cette soirée-là. You know, like, I have to fucking kill it. Parce que non seulement, like, je suis, you know... partie du communauté LGBTQ, but je suis l'anglophone en plus. Love that. Intersectionality, and, we said it. Like, I fucking killed it. But cette pression, pour moi, ça me donne comme une grande motivation. Et c'est quelque chose qui me pousse. So pour moi, c'est une énergie et une pression utile. Ça, je sais comment l'utiliser. Est-ce que c'est difficile de naviguer? Parce que j'ai un peu l'impression que si tu vas pour un public straight... faut que tu rendes ça accessible. Puis si tu es sur la scène queer comedy, les gens veulent vraiment que ce soit super queer. Non, moi, personnellement, non, pas moi. I don't change anything. OK. Oh. Non. Okay. La seule chose que je change, c'est mon introduction. Parce que si je suis comme, si je fais mon propre show, bien sûr, ou si je suis sur un show queer, j'ai pas besoin de m'introduire comme transgenre. Ça, c'est la seule chose qui change. Ah. Mais à part ça, je change absolument rien. Yes, deal with it. Yeah. Moi, parce que je pensais à Anna Gatsby, à un moment donné, dans son show, Nanette a dit « Les gens m'accusent de pas être assez lesbienne dans mes shows, genre comme s'il fallait tout le temps just rely on Mais that. » Mais je pense que aussi elle a commencé dans un temps très différent. You know? Si je faisais l'humour, si j'ai commencé même il y a 10 ans, you know, ou 15 ans, c'est déjà j'aurais peut-être... eu besoin de tone it down, c'est vrai. But en ce moment, je sens pas cette besoin, you know. Et je pense que la raison pour laquelle je ne ressens pas cette besoin, c'est parce que je l'ai fait assez que je sais que mon matériel à moi, comme they get it, straight audiences get it, they find it funny, you know. Because je pense que quand je suis sur scène, même si j'ai un confiance, like je pense que le monde peut ressentir mon vulnérabilité également. Et, you know, it gets them on my side. So, they want to follow me for what I'm going to tell them. So, and ça fonctionne, honnêtement. Le seul temps que... Yes, c'est sûr qu'il y a des moments que ça ne fonctionne pas. Comme le public est juste trop straight, suburban, banlieue, you know. Like, c'est sûr que ça arrive. Quand tu faisais la première partie de Mike Ward, genre. Mais aussi, c'est vrai que... Mais ça, c'est vrai pour tous les, comme, pour tous les humoristes aussi, que, oh, man, faut que tu trouves ton public, puis il y a des publics qui vont juste moins réagir à tes jokes, à ton vécu, à ton style d'humour, à comme... Comme je m'en souviens, je ne sais pas si tu lui connais, il y a un humoriste anglophone qui s'appelle Scott Thompson. Il était sur Kids in the Hall back in the day. Je l'ai vu au Comedy Nest. Et généralement, c'est un public un peu plus banlieue, you know, un peu plus straight-lace. Et son matériel à lui était quand même assez extrême. Like, il parlait des saunas, the bathhouses, like this like really like dirty graphic sex material. Love that. And it was great, but cette public-là l'a pas aimé. But il n'a pas arrêté. Il n'a rien changé. Love that. You know? Et j'ai le même sentiment parce que c'est pas un public que je rencontre très souvent. And not everything is for everyone. Non, so, clairement. Like, je ne veux pas faire un effort pour, you know... Puis tout le travail que ça demanderait d'adapter ton matériel à toi pour que ces gens-là l'apprécient. Puis t'es juste comme, fuck that shit. Exactly. Fuck that. Mais ça donne absolument rien. Et on le voit comme les... Tous les médias qui sont comme vraiment spécifiques dans leur vision fonctionnent le mieux. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout, comme je trouve qu'on est tellement dans une ère où l'offre de tout, là, que ce soit genre des séries télé, des films, des podcasts, des comme... Étant donné qu'on stream puis qu'on cherche nous-mêmes ce qu'on veut, tu peux trouver du contenu niché qui est fait pour toi. Exactement. Fait que tu sais, comme, il n'y a plus de truc grand public, universel. Yeah, c'est un bon point. T'sais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, faut juste reach pour que, ce que tu es bon dans puis ce qui va trouver une audience anyways. Là. Parce que je pense que quand j'ai commencé, j'avais plus ce sentiment de qu'il y avait quelque chose à conquérir. Mais j'ai vu justement au fil des années que c'est plus, ça ressemble beaucoup plus à ce que tu disais. C'est juste une question de trouver ton public à toi. Puis aussi, pas besoin de... Mais je trouve qu'on est à un moment bizarre où là, il y a vraiment plus de craving pour justement du contenu super queer. Oui. Mais l'argent n'est pas encore rendu là. Non. Parce qu'on est comme dans un entre-deux, tu sais, comme là, t'as Netflix, c'est arrivé, t'as d'autres comme diffuseurs, mais tu sais, mettons, des boîtes de podcasts, il n'y en a pas plein au Québec, tu sais, oui, aux States Plus, mais tu sais, comme, il faut juste que l'argent arrive là. Oui, absolument. Ce qui m'amène à, on sait qu'il y a une scène queer à Montréal de, comme, comedy, que ce soit en français ou en anglais, on sait que it's popping, mais comment on fait pour que cette scène-là, justement, puisse, comme, take off, puis genre, tout péter, genre? Well, une chose très simple est juste, il faut venir à les shows. Il faut investir dans cette scène-là, en fait. Parce que... Because it's never gonna happen if you don't. C'est ça. Puis aussi, genre, c'est con, je reviens encore au cash, là, mais tu sais, c'est ça. Pourquoi les scènes... Pourquoi il arrêtera jamais d'avoir de l'humour straight? Il arrêtera jamais d'avoir du cash pour de l'humour straight. Il y a ça aussi, ouais. Le cash circule fucking là-bas, là, tu sais. Tu sais, on parlait, puis je pensais à ça, puis j'étais comme... J'ai un peu l'impression que sur la scène mainstream, il y a toujours de la place pour un token. Genre, dans les années 70-80, on avait Clémence Desrochers. OK, good, on a une Gwyn, c'est beau, ça va bien. un moment donné, les mecs comics sont débarqués, puis là, on avait Alex Perron qui était le fif. OK, on a une tapette, ça va bien. Oui. J'ai un peu l'impression qu'il y a tout le temps de la place pour une personne. Oui. That's the box, you check the box. Exactement, et ça crée vraiment une compétition entre la scène queer, you know. Ouais, qui va émerger. Ouais. Exactement. Like, moi, je sens cette panique un peu, you know. Like... mais je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. You know, que, j'espère. I mean, ça va prendre du temps, c'est sûr. Tu verrais-tu comme un queer gala à Just for Laugh, mettons, dans les... oui, c'est sûr. 5 prochaines années, mettons. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait comme un sort de queer comedy night l'année passée. Okay. Je pense qu'ils ont fait comme 5 soirs dans une petite salle. Mais il y avait quand même comme plusieurs de ces nuits-là qui n'ont pas été remplies. And it's a small venue, so le message que eux ils reçoivent, j'imagine, c'est que si on peut même pas avoir 100 personnes à cette show, comment est-ce qu'on peut le faire comme à Club Soda où il y a 1500 billets à vendre? Mais aussi, ça pose une question de, est-ce que c'est à juste pour rire de faire une soirée queer, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des soirées queer qui émergent puis qui attirent un public d'eux-mêmes? Parce que c'est vrai que moi, je suis pas porté à aller à juste pour rire quand c'est pas des shows. Et ça, c'est valide, connais, justement. T'sais. Et je pense que c'est pour ça que c'est également important pour nous de bâtir quelque chose pour nous-mêmes. Ouais. You know? Et je pense que quand tu réussis à bâtir quelque chose pour toi-même qui fonctionne, that's when Just for Laughs and Netflix and everything that everyone that has money, ils vont venir te chercher. Ouais. You know? Parce que Juste pour Rire va faire sa soirée queer pendant 5 soirs, mais ils vont pas mettre autant d'argent sur la promo. Tu sais, ils vont dire, OK, mais il n'y a pas 100 personnes qui est venue au Queer Comedy Night, mais en même temps, ils n'ont pas mis 100$ de promo sur l'événement. Exactement. Like, it goes both ways. Ouais, tu as 100% raison. Et je sais qu'il y avait même eu une soirée, si je ne me trompe pas, où Wanda Sykes just showed up. You know, so c'était comme, that's amazing. Like, imagine le chance de voir Wanda Sykes dans une salle de 100 personnes. Ouais. You know? But si, justement, si ils l'ont mis à Club Soda et qu'ils ont justement fait l'effort de faire la publicité et d'avoir des personnes comme Wanda Sykes qui headline, sûrement ça aura vendu. Ouais. C'est sûr. So, tu as un très bon point. Tu me diras si tu es d'accord avec my take. Mais je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de queer comedy visible accessible, surtout à cause des filles de Drag Race, en fait, qui se recyclent en comédienne. Parce qu'une fois que tu as eu la visibilité de Drag Race et que tu as un public qui te suit, tu peux pas mal faire ce que tu veux. Puis celles de qui c'est la force de faire ça, ils ont accès à beaucoup plus de visibilité que les queer comédiennes qui start from scratch. Absolument. Fait que tu sais, puis je trouve ça cool pour elles. Puis il y en a plein que j'apprécie. Moi, Bob the Drag Queen, c'est genre une de mes humoristes préférées. Yeah, là, t'sais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas fair de genre compétitionner avec genre toute la visibilité puis le cash qui vient avec Drag Race, tu sais. C'est sûr, c'est, et j'imagine que c'est, you know, je pense toujours à les drag queens locaux, ouais, you know, like, ben oui. Pour eux, ça c'est vraiment comme leur monde. Ouais. So pour moi, like, je ressens pas qu'il y a vraiment, je me sens pas que je suis comme en compétition avec les queens de Drag Race, parce ouais, que puis c'est même les queens qui font l'humour, j'imagine, il y a sûrement des exceptions comme Bob, mais que leur show d'humour reste quand même dans le monde de drag, you know what I mean? Ou dans le monde straight, si tu prends Bianca Del Rio, c'est Louis C.K. avec du maquillage. Là. Right. Ben ouais. Non, right. Ou même Trixie va comme crack des jokes dans son show, mais ça va être surtout des jokes très Drag Race self-referential. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi Drag Race, c'est très autoréférentiel tout le temps. C'est un écosystème maintenant. Mais c'est sûr que dans le monde de l'humour, il n'y a pas comme cette machine de Drag Race. Il n'y a pas comme un équivalent qui met l'emphase sur le monde de l'humour. Ouais. You know? C'est vrai, hein? Y a pas de, y a ils ont essayé, il y avait un show qui s'appelait Last Comic Standing il y a quelques années sur NBC, qui était comme un show de compétition pour des humoristes. Et je pense quand même que les personnes qui ont bien fait sur le show, ça leur donnait comme quand même des opportunités, mais pas exactement de la même façon que Drag Race. Ouais. Comme aussi, Drag Race est vraiment comme un star maker. Ouais. Ouais, surtout maintenant. Yeah. Mais aussi au Québec, il y avait pendant longtemps, il y avait En route vers mon premier gala où comme t'as pas mal d'humoristes qui se sont fait remarquer là aussi. Ça c'était quasiment la soirée La Relève là. Ouais. Mais tu sais, listen, it worked for some people. C'est les gens qui ont fait leur premier 60 minutes au Terminal Comedy Club, ben là, whoop, ils se ramassaient. Ouais. Mais encore une fois, comme le public québécois est vraiment engagé. Ouais. Comme même quand j'ai, comme je mentionnais, quand j'ai fait Saint-Jean, j'ai eu comme tellement de nouveaux followers. Quand j'ai fait l'open mic, comme, it was crazy. Je pense que cette soirée-là, j'ai eu comme 300 nouveaux followers. Woo-hoo! God! Like, so, you know, ces opportunités-là comptent, you know, pour bâtir un public. Ben It really helps. Mais tu sais, justement, au Québec, tu sais, je veux dire, la France a le vin, la Belgique a la bière. Au Québec, on a des humoristes. Il y en a. Il y a 24 festivals d'humour au Québec. Je sais pas si nos humoristes sont aussi... raffinés que le fromage. C'est ça. OK, I'll take it. Voilà. Je préfère encore le fromage. Au moins, c'est pas un rapiste. Est-ce que tu penses que justement, vu qu'on a une espèce de gros market humoristique, est-ce que, ben là tu le disais, t'allais commencer en français, genre t'as-tu l'impression que la minute que tu vas commencer à faire en français, là ça va décoller, puis... I mean, c'est sûr que c'est difficile à savoir, but je pense que j'ai, sans être égoïste, mais je sens vraiment que j'ai quelque chose à donner au public québécois, honnêtement, like, je le ressens, et je ressens leurs besoins, et... So I think it would go well. Puis quand ça marche pour des raisons aussi. Yeah. Genre, je pense que t'as plein de, t'as des bonnes dispositions devant toi. J'espère, but je pense, comme moi, je ressens vraiment comme une, à chaque fois que je fais un show en français, comme je ressens cette connexion avec le public. I don't know what it is. I want them and they want me. Oh my God. So when it works, it works. When it works, it works. And like. C'est sûr, et je pense que, you know, ça me donnerait un peu de sécurité dans mon travail, you know? Est-ce que tu trouves qu'un public... Dans ma vie, pas juste dans mon... You know? Est-ce que tu trouves qu'un public queer francophone a moins de difficulté à s'adapter à, genre, une humoriste anglophone où c'est sa langue seconde? Parce que, je sais pas c'est quoi ton expérience de ça, mais moi, je trouve que dans des réseaux queer, c'est souvent bilingue où il va y avoir comme plus de bilinguisme juste parce que par affinité de queerness versus des réseaux straight où genre ils ont quasi pas d'amis anglophones puis ils ont jamais croisé un anglophone. Mais je pense qu'ils consument quand même beaucoup de médias anglophones. Okay. You know what I mean? Ouais. So I don't know, but I don't really... Si le fait que je suis anglophone et que mon français n'est pas parfait, si ça, pour quelqu'un, that's a deal breaker, like, je m'en fous. Like, I can't change that. Ouais, fuck them. You know, like, qu'est-ce que je peux faire? Puis aussi, comme, accents are not real. I'm not gonna go to, like, Celine's Berlitz language school and, like, start relearning all that shit again. Mais tu sais, en même temps, tu regardes quelqu'un comme Sugar Sammy qui a fait un show genre ish bien. Ça a fait un scandale pareil. Le monde était comme, oh my god, notre beau français. But regarde comment c'était un succès ça énorme. Pogné, so like honestly, like who cares about the people who don't get it? Ouais, c'est ça. Je m'en fous honnêtement. Mais je n'en ai plus si t'avais comme une impression. Especially maintenant, like I don't give a shit about anything. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. Like, mais c'est quand même comme, I don't know. Je sens. C'est sûr que ces derniers mois ont été énormément difficiles. Ouais. Mais je pense qu'une bonne chose que ça m'a apporté est un peu plus de liberté. Même dans, juste dans mon expression, comme un exemple qui m'est arrivé dernièrement, comme moi, je suis toujours comme mal à l'aise à corriger quelqu'un quand il me misgender. Te mégenrer. OK. Ouais. Alors, je me sens comme dans ces moments-là toujours comme nerveuse. And c'est tellement... désagréable et je sais jamais comment corriger et je suis quelqu'un qui est vraiment comme I'm so scared of conflict or anything that resembles conflict. Mais dernièrement ça est arrivé dans un contexte professionnel, c'était comme pour un job and comme j'hésitais même pas, I'm like you can't say that. C'était quelqu'un qui essayait de me dire comment je devrais m'habiller pour le gig en question. Listen. And I'm like, what you just said is so transphobic. And like, I was just like, you cannot tell me what to look like or not to look like. No. And I would never have done that in the past. Dans le passé, j'aurais été tellement trop peur à faire ça. But now, I don't give a shit. Et même si je dis quelque chose and they don't want to hire me anymore... Good, because I don't really want to work now anyway. Si c'est un problème, ben, je veux pas travailler avec toi anyway. Exactement. So, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Mais c'est vrai que le milieu est en train de changer drastiquement parce que, tu sais, on l'a vu avec Black Lives Matter récemment, puis encore, it's an ongoing thing, c'est pas fini. Même chose avec les. Tu sais, comme tout ce qui s'est passé durant la pandémie, comme on avait le temps. Oui. Malheureusement, parce que c'était toutes des mauvaises nouvelles, mais on a eu le temps. De voir à quel point c'est difficile pour les personnes marginalisées. Puis je parle pas juste de l'humour, là. Absolument. Ça le highlight tout, là. Tout, exactement. So, dans ce contexte-là, je ne peux pas imaginer que le monde de l'humour va pas changer dans une certaine façon. You know, est-ce que ça sera un grand changement ou non? Je ne sais pas, mais c'est sûr que... Parce que tout est en train de changer. So, why would the comedy world be immune... to what's going on in the world and the way that things are shifting. Ouais. Et je parle plus du côté comme humour anglophone Amérique du Nord. Like, je sais que Québec est particulière. Ouais. So, au niveau des changements, je sais que c'est pas le même... écosystème. Exactement. Qui fonctionne avec les mêmes règles. Exactement. So, si toi, tu ressens comme... Because I can see you have, like... tu as tes doutes. Oui. But... Tu connais la culture Québec et le show business québécois beaucoup plus que moi, you know? So. Je pense que tu serais meilleur que moi. Je ne suis pas si bon que ça, mais... Tout ce que moi, je sais, c'est Anne-Marie Lozic et Mitsu. Like, ça, pour The moi, essentials, though. What else do you want to learn about? Ça commence avec Mitsu, ça termine avec Anne-Marie Lozic, and I don't really care about anything else that's going on. Tu penses Sonia Benezra, puis t'as vraiment... Oh, but I love Sonia Benezra. OK, ben c'est bon. You got it all. La Trinité, tout va bien. Non, parce que justement, je trouve qu'au Québec, on est en retard. Tu regardes la télévision québécoise, là? Oh, God. Mais en tout cas, moi, je vais vous le dire, le problème avec le Québec, là. Je vais vous le dire là. Ah oui, explique-nous ça. Non, mais je trouve que souvent, le problème avec la production culturelle au Québec, c'est que tout est catered for an older audience. Parce qu'on a une population vieillissante, puis que toutes les plus jeunes se sont tournées vers Netflix ou des trucs en anglais qui... Mais c'est juste qu'ils sont plus rapides à produire des trucs qui sont actually actuels. Oui. Genre... Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant, c'est une offre plus intéressante. Mais je pense que c'est pour ça, je pense honnêtement que ça contribue au fait que quand je fais les performances en français, ça va toujours bien parce que c'est, je présente quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment vu. Ouais. You know? Ouais. Et je pense spécialement pour les queer francophones, comme they're not being served. Non. Non. You non. know? Non. Like, et nous, on le vit avec deux fifs le matin. Il n'y en avait pas de podcast en français queer. C'est ce que tout le monde nous dit. Enfin, quelque chose en français. C'est enfin, ça. Quelque chose en français. Et en anglais, il y a comme des milliers, des centaines En milliers. Anglais, tu n'as pas le temps de toutes les écouter. Là. Non, c'est impossible. Genre, Mané, t'es comme... Okay, oui, tu as raison. C'est sûr que ce n'est pas mon... c'est not my reading parce que je ne connais pas ce monde assez, mais de tout le monde avec qui je parle, dans le monde de l'humour et juste... dans l'industrie du show business québécois, tout le monde me parle de cet retard. Ouais. So, c'est pour ça que je... I know what you're talking about. Pas parce que je l'ai vu moi-même, mais juste parce que c'est tout le monde. Mais tu le vois dans la réaction des gens. Oui, et je le vois dans la réaction. Même on est comme, merci Trana de l'humour en français. Exactement. Queer, on n'a jamais vu ça de notre yeah. vie. But it's true. Like, they haven't. Ce qu'on avait comme dernier exemple, c'était Alex Perron. Quand même! En tout cas... Il y aurait... Moi, j'aurais plein d'affaires à dire sur Alex Perron. C'est plus... Pour vrai, Alex Perron, c'est un peu le contention entre moi et Jess. Ouais. Qui revient, moi, je veux qu'il vienne sur le show. Moi, Charlie, absolutely pas sûr, fucking mais... not. Ah. Moi, je suis sûr que non. Là. T'écouteras ses numéros. En tout cas, okay, parfait. Il va loin quand même. Là. L'autre fois, il expliquait des orgies, comment ça marche. Il était contre la grève. Oui, je sais qu'il était contre la grève. Mais... 2012, là, c'est fini. C'est just, terminé. But voilà. I'm holding on. Enlève ton carré rouge. Non, je le garde encore. Jean Charest, il n'est plus premier ministre. Did you know that? GND, pas premier ministre. Non, GND, toujours pas premier ministre. Mais non, Massé non plus, d'ailleurs. Donc, sur ce, nous, on va traverser la moitié du globe pour aller en Australie, rien de moins, là où les gens sont fucking fancy avec leur café, pour espérer croiser Anna Gatsby dans un café Boogie de Melbourne. Et on vous revient. Over caffeine. C'était beaucoup de route pour du café fancy, puis pour sursauter chaque fois qu'on voit quelqu'un de butch avec des petits cheveux sur le côté. On pensait qu'on avait trouvé Anna, mais on est revenu juste un peu jet-lag, puis over-caffeiné. On n'a pas de jet-lag, en fait, on est sur la mauvaise date. Oui, non, parce c'est qu'en ça. Australie, t'es juste le lendemain ou la journée d'avant. Non, le lendemain. Non, t'es de la journée d'avant. Non, t'es le lendemain, lendemain parce que... Le lendemain, oui, quand... ils sont dans le futur. Oui. Oui, ok, oui, ok, là maintenant je comprends. Oui, parce que ouais. quand Lady Gaga a sorti son album, moi je l'écoutais la veille à cause des Australiens, j'étais comme « Oh yes, Chromatica dans mes oreilles! » Tabarnak. En tout cas, c'est ça, ça m'a fait du bien de vous en parler. Oh ben, l'Australie avant-gardiste. Fait que là, au Québec, beaucoup, ailleurs dans le monde aussi, on est dans un grand débat hein, sur la liberté d'expression des hommes cis, straight, qui ne se peuvent plus de vouloir faire toutes les jokes qu'ils veulent, n'importe quand, peu importe si ce soit problématique ou pas. Mais là, on est entre nous. Mm-hmm. Y a-tu moyen, on va répondre à la question, là. Y a-tu moyen d'être drôle, même si on peut plus rien dire? Well, tout d'abord, c'est pas vrai qu'on peut rien dire. Non, c'est ça l'affaire. Merci. I mean, c'est tellement ridicule. Non, je sais, puis ça fait 30 ans en plus, là. I know, but c'est la seule chose qui leur reste. Ouais. You know, that's all ouais. they have left. Non, puis c'est se défendre aussi de sa position. Exactement, de pouvoir pour eux, et c'est pas... Il utilise le terme « freedom of speech », mais ce qu'ils veulent dire, c'est « freedom of bigotry ». Oui. C'est pas « freedom of speech ». Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre un « joke » et une acte de violence. Oui, c'est ça. You know, and language can be violent. Oh my God, ben oui. And il y a vraiment une différence, you know. And il y a une raison pour laquelle « hate speech » you know, is illegal. Ouais. Il y a une raison. Ouais. So, you know, je suis pour les protections contre le hate speech. Ouais. Like, we need to have protection against hate speech. Ouais. Et je suis également pour le free speech. And those two things are not incompatible. Non, c'est ça. C'est deux choses totalement différentes. Puis, en tout cas, c'est parce que souvent les gens... Il utilise l'humour un peu comme un masque. Oh, mais it's a joke. No. Exactement. And I'm like, oh my God. First of all, comedians are the lowest of the low in society. Oui. Et vous pensez que parce que vous êtes humoriste que tu es au-delà de la loi. Ouais. You know, but you don't do shit. You're an, like, I'm not, no, I was going to go too far. But I'm just like, ça fait aucun sens, you know? Mais en termes de self-promotion, par contre, pour plein d'humoristes, ça a super fonctionné, là, comme « wow, on essaie de me censurer ». Oui, Mike Ward, c'est le plus gros exemple. Mike Ward, c'est le plus gros exemple, alors qu'il faisait juste bully un enfant handicapé devant la province au grand complet. Exactement. Là. Ouais. Mais je dois dire que, honnêtement, comme... like, c'est pas que je connais Mike Ward d'une manière très personnelle, ouais. But he's always, il est toujours comme très sportif des humoristes émergents. Oh, je parle quand, et quand j'ai eu des interactions avec lui, c'était toujours dans le monde anglophone. So, uh-huh. Je parle pas du monde francophone. Mais dans mon expérience avec lui, je pense pas qu'il est quelqu'un qui, au fond, est quelqu'un violent, you know? Personnellement, I could be wrong. Ouais. Je pense que le danger, par contre, c'est son public. Ouais. And, ouais. You know... Mais c'est ça aussi, c'est que moi, à un moment donné, comme humoriste, je pense qu'il faut que tu prennes des décisions. Mais je pense que, personnellement, les cours ont pris la bonne décision. Oui, oui, oui. Personnellement, like, I'm sorry, I don't think that is freedom of speech. Parce que ces mots ont eu des effets concrets dans la vie de cette personne. Mais pas juste cette personne-là, là. Plein de kids handicapés. Plein de gens, son public s'est dit, ah, OK, so it's OK to bully. C'est la même façon que Trump a donné la permission à tout le monde d'être, you know, raciste, you know, homophobe. Name them all. Oui, oui. Et c'est sûr que c'est pas au même niveau, mais les situations telles que celui de Mike Ward, c'est la même situation. Ouais. Ça donne la permission à son public, you know, qui n'est pas comme le plus up-to-date. Mais c'est fou parce que tu disais que, justement, Mike Ward, c'est quelqu'un qui est très bien vu à l'intérieur dans la communauté, puis j'ai pas de misère à le croire parce que je me souviens, il y avait un gala des Oliviers, je pense, où genre il avait fait une action, genre il était allé avec du tape sur la bouche pour dénoncer genre le fait qu'il pouvait plus rien dire. Puis il y a plein d'humoristes émergents aussi qui ont marqué là-dedans. Puis j'étais comme, ok, mais je comprends que vous êtes toute une gang, vous êtes toutes chummy, mais en vous allez devoir vous regarder. Et je suis un peu surpris qu'il n'est pas juste capable de dire j'allais trop loin. Ouais. Moi, Why is it so hard to just say, you know what? I fucked up. Tu vois, tu sais, de la même manière, tu disais, il faut tout le temps que je me présente comme une femme transgenre. Quand j'ai un gros show, j'ai l'impression qu'il faut que je nailed it, sinon ils vont passer à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Faudrait que les humoristes mainstream se sentent de la même façon. You gotta represent. T'as une responsabilité si t'es un personnage public. Mm-hmm. Si tu prends la parole en avant de les humoristes au Québec, là, ils font des grosses tournées, c'est le sound bell. T'as une responsabilité. Puis faudrait que ces gens-là sentent la même responsabilité que quand un queer embarque sur scène puis se dit I gotta be queer, I gotta present myself as queer. Ils n'auront jamais ce même sentiment de responsabilité. Ouais. Jamais, parce que c'est leur monde. Et pas juste le monde de l'humour, mais le monde. Point. Ouais, they get away with everything. They get away with everything. Ouais. So pour eux, cette idée de responsabilité, c'est totalement comme never heard of. C'est du jamais vu pour eux. Alors que pour vrai, c'est tous les sujets peuvent être drôles, mais ça dépend de l'angle que tu prends. Exactement. Et ça dépend de qui le dit. Oui, aussi. Parce que je suis d'accord, tout peut être drôle, but comme you know. C'est pas à tout le monde de faire joke de toutes les choses, you know? Like... Puis aussi, c'est toujours correct de rire des oppresseurs. Tu choisis, tu sais. Tu choisis entre rire des gens qui oppriment ou des gens qui sont déjà opprimés, puis tu challenges pas ton public Exactement. Si tu ris des gens envers qui ont déjà des préjugés négatifs puis que tu fais juste les valider là-dedans, tu sais. That's why I make fun of J-Lo and Celine. Oui! Like, ça marche! How am I gonna hurt a billionaire? Non, mais c'est ça. Ouais. You know? Et en plus, même quand... je fais comme des jokes au sujet de Jennifer et Céline et qu'importe, you know, la vedette en question, c'est jamais comme je leur attaque pas pour leur apparence, je leur attaque pas pour, you know, qui, leur personne. Je leur attaque pour leur, you know, personnalité ridicule et, you know, the stupid things that are funny, but you know what I mean? Ouais. Puis, de toute façon, même être Je sais, je me rappelle plus c'était quoi la joke, mais je sais dans un article tu disais, moi je faisais une joke sur telle affaire à un moment donné, puis suite à Black Lives Matter, affaire de même, tu disais, ben, il y a des jokes que j'ai arrêté de faire. Oui. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Non. On n'est pas parfait non plus. Tu sais, probablement qu'à deux fifs le matin, on a juste Mais je pense juste que c'est ça le problème, que on se rend à un point où on peut presque rien dire. C'est juste que le point n'est pas où les hommes hétéros pensent que, you know what I mean? Ouais. It's like there is a limit. Il y a une limite, you know, au niveau des... Quand on parle de freedom of speech, on peut aller jusqu'à un point où, justement, je peux imaginer très facilement qu'on pourrait rien dire. Ouais. But c'est juste que ce point-là est beaucoup plus loin... Ouais, c'est ça. ...than where straight guys think it is. Ouais. But je sais que même moi, comme... Même avant que le terme Karen existait en tant que tel, je faisais un type de Karen joke, mais j'utilisais le nom Susan. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et quelqu'un pensait que le joke était comme misogyne, juste parce que cette personnage que j'ai créé était une femme. Ouais, ouais, ouais. You know ouais. what I mean? Like, ouais. there, like, il y a, you know, je dirais pas que on n'est pas rendu encore là où on peut rien dire, mais je peux voir les débuts. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que dans nos milieux, on aime beaucoup ça, se surveiller entre oui, nous jusqu'à un point maximal. Puis, tu sais, je regarde que ce soit des critiques de livres, que ce soit des critiques de films, n'importe quoi. J'ai un peu l'impression que, soit en tant que personne queer ou dans d'autres communautés, on veut un catalogue de nos identités vraiment précis. Il faut nommer toutes les réalités, il faut être positif. Puis c'est un peu comme tu disais, je sais plus si on était off the mic ou pas off the mic, mais comme tu disais, il y a un point où si t'en parles pas assez, on va te clap back parce que tu parles pas assez de tel ou tel sujet. Oui. Puis il y a un point où si t'en parles trop, on va dire « Ouais, mais c'est pas ta story. » Exactement. Ça devient compliqué de naviguer dans nos propres niches, entre guillemets. Ça devient difficile, honnêtement. Like, I can't lie about it, you know? Et je pense que... et je suis d'accord avec le fait que cancel culture n'existe pas en tant que tel non plus. But il y a justement cette question de surveillance entre nous-mêmes qui n'est pas une bonne chose. Et il y a une façon de expliquer à quelqu'un qu'ils ont fait une erreur, you know, qu'ils ont tort. But il faut qu'on donne la chance de, you know, de faire des corrections, d'évoluer ou de changer. And I'm not talking about rape, you know what I mean? Parce que je pense que parfois, un danger ou une chose que je vois de notre côté ou du côté progressif, c'est juste qu'on a tendance de traiter toutes les agressions de la même niveau. Ouais. You know? Alors, on peut traiter comme, you know, l'utilisation d'un mot incorrect de la même façon qu'on traite un cas de violence physique. Ouais. Ouais, ouais, ouais, you know, ouais. And it's like, not everything is the same. Mais j'ai un peu l'impression que c'est une conséquence du monde dans lequel on vit, tu sais, à la défense des gens qui ont besoin tout le temps de s'exprimer. Ce qui est normal, c'est que, on en parlait il y a 10 minutes, c'est, on l'a vu avec la pandémie, les inégalités sociales sont sorties tellement... Fait que j'ai un peu l'impression que les gens, puis tu le disais même toi-même, on a zero patience right now. Yeah, et tu as raison. Et justement, je pense que c'est un réflexe de protection. Ouais. Parce que on voit le monde de l'humour québécois qui change vraiment pas vite. Fait que c'est sûr que si t'es dans une soirée d'humour queer, puis tu sais que ton commentaire va être entendu, ben c'est clair que tu vas le dire, parce que partout ailleurs, personne t'écoute. Right. Fait que c'est sûr que sur la scène queer, tu vas aller voir, tu vas faire comme « Hey, ce mot-là, on n'utilise plus ça. » Yeah. Qui est normal-ish, mais ça peut devenir malsain. Tout le monde peut prendre et lire quelque chose de la façon qu'il veut. Oui. You know? Et ça, c'est correct. Mais je pense que parfois, on a tendance de voir nos propres opinions ou nos propres réactions comme faits. Oui. Puis aussi, moi, j'avoue que mon problème par rapport à des enjeux comme ça, c'est plus quand c'est des gens qui sont pas directement concernés par genre peu importe ce qui a été dit, qui agissent comme s'ils étaient plus capables, ils étaient atteints, puis que là, ils ont cancel. Puis je suis comme, mais toi, comme personne qui ne vit pas cette réalité-là, mais qui est un allié, puis qui est sensible, ta job, c'est de call in, puis d'éduquer. Parce qu'on s'entend que, genre, on va pas. Genre, c'est pas ta job de cancel du monde, c'est pas toi qui décides qui est cancel exactement. Sur des enjeux qui te concernent pas, là, tu sais. Yeah. Mais c'est ça, c'est pas évident parce que souvent l'humour fonctionne, je dirais pas toujours au détriment des autres, mais il faut toujours qu'il y ait un sujet. Qui soit une failure, soit une complexité. Ça revient aux grandes traditions de throwing shade. Oui. You know what I mean? Like... Oui. Puis aussi, je veux dire, en tout cas, c'est qu'il y a des niveaux aussi, là, tu sais. Yeah, il y a des niveaux et des degrés. Oui. Oui, c'est ça, là, tu sais. Genre, you know? C'est vrai que l'utilisation d'un mot pas comme du monde versus être genre out there fucking misogynist dégueulasse. Exactement. Je veux dire, c'est ça. Parce que quand je lis certains accounts des choses qui sont arrivées, spécialement dans le milieu de l'humour, comme je me vois dans ces expériences-là, you know, but je ressens pas comme, parce que ça fait comme 7 ans que je fais l'humour, but ces moments-là ont été désagréables, you know, et vraiment pas plaisants du tout, but it's like, ça m'a pas comme marqué tant que ça, but encore une fois, tout le monde réagit différemment à des choses, you know what I mean? Oui. Alors pour moi, je peux vivre quelque chose and it's like water off my back, mais quelqu'un peut vivre la même chose et pour eux, c'est vraiment comme un trauma. Oui. Oui. surtout comme c'est ça, comme on disait, on est dans un contexte où c'est dur de pas être en crise. Oui, exactement. Genre, on est permanently en tabarnak. Sur une note plus positive. Ah ouais, là. Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est ça, shopping. On dit, moi, j'aimerais ça savoir. Mettons, là, Trana Wintour, sous la douche, elle rêve, là, puis elle se dit, ça, c'est mon daydreaming. C'est quoi ton rêve en tant que, pas comédienne, mais en tant que performeuse? Oh, comme le soit grand... pour toi, soit pour la scène. Le rêve comme le plus ridicule. Ouais, ouais, oh, genre, please, it's never gonna happen. Make it ridiculous. Tu... Ouais. Honnêtement, ça a été toujours mon rêve d'aller aux Oscars. Oh ouais. Like, that's my biggest dream. Like, je pense que j'ai un shot. Comme potentielle gagnante? Yeah, ouais. like best screenplay, je pense que c'est it could happen. Ah! Éventuellement. I know the chances are very unrealistic, but je regardais les Oscars depuis que j'ai 5 ans. And I know it's stupid, but quand je vois des personnes qui gagnent, like, ça me touche, honnêtement. Ouais. Like, spécialement pour les acteurs et même les écrivains et les réalisateurs qui le prennent au sérieux, ouais, et à voir à quel point ils sont émus. I don't know, il y a juste quelque chose de cette expérience. Like, to me, ça, c'est vraiment comme l'ultime. Ouais. Like, you can't get any better or higher than winning an Oscar. Mm. Quand you même, hein? Honnêtement, like, pour moi, ça, c'est le plus grand fantasme. Mais je sais que... Puis aussi, I'm not... Like, ça, c'est vraiment comme... Aussi, The Academy étant ce qu'elle est aussi. Well, là, I know, exactly. Chier, and là. By the time I might be eligible, it might not even exist anymore. Ouais, c'est ça. You ouais. know, like... but pour moi, honnêtement, comme... Mon rêve, pour... To come back down to earth a little bit. c'est vraiment juste de gagner ma vie en faisant ouais. ma passion. Like, it's just as simple as that, ouais. you know? Je veux juste un peu de sécurité financière. Ah, ouais, c'est clair. Girl, I and feel that's you. It. Like, je suis pas, honnêtement, comme, je suis pas quelqu'un d'ambitieuse comme Madonna ou comme d'autres figures qu'on voit. It's not my style. Like, I'm not aggressive, you know? Ouais, ouais. Et je pense que ce qui est très important et ce que j'ai appris, you know, quand j'ai commencé à faire l'humour, c'est que tu n'as pas besoin d'être une grande vedette ouais. pour gagner ta vie avec ton art. Like, you don't ouais. need to be a megastar. Et c'est vraiment pas ouais, mon ça, c'est but. Pas zéro to a billion. Exactly. Et alors, c'est possible, mais c'est sûr que maintenant, tout a changé, ouais, so who ouais. the hell knows. But... Honnêtement, pour moi, ça, c'est vraiment le rêve. C'est très simple. Like, je veux juste gagner ma vie en ouais. faisant ce que j'aime. That's it. Et même ça, quand je le dis, c'est que je pense qu'on a... Beaucoup de nous, nous avons grandi avec l'idée que si on fait ce qu'on aime, on travaille jamais un ouais, jour dans notre vie. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aimerais juste dire que ça, c'est vraiment pas le cas non, du tout. Like, quand j'ai vraiment, comme ça fait 4 ans, un peu plus maintenant, que je fais vraiment comme juste l'humour et mes projets créatifs, but the stress level has gone up, like, oh. through ah, the ben roof. Oui. Oh, oh, oh. Oh, oui. Like, j'ai jamais travaillé si fort. J'ai jamais été si stressé dans ouais. ma vie. Non, non, nous autres, on fait juste un podcast, puis c'est super, beaucoup de travail, et puis les gens, ils ont... On en fait deux, Jess. On fait deux podcasts, c'est vrai. On en fait deux, puis j'en ai un troisième qui est sur la glace, mais comme... Tu sais, moi, ça me fait tellement rire. Les gens nous écrivent, ils sont comme, est-ce que vous avez un travail à part podcaster? Je suis comme, va chier. Ouais. Genre, comme, oui, bitch, j'ai un I wish, à temps I plein. Wish que ce serait ma job à temps plein, ça. I wish qu'il y aurait de l'argent, point, qui arriverait. Il y a des jours où, même si c'est mon rêve, et même si j'ai des moments de rêve réalisés, et je suis très reconnaissante and so grateful for those moments, honestly. Mais il y a également des moments où I'm like, what the fuck did I get myself into? Ouais. Like, pourquoi je fais ça? Pourquoi ouais. je me suis mis dans un monde ou dans une industrie qui me cause tellement ouais. de stress? Ouais. But there's nothing else for me. Like, but il y a des moments où j'aimerais m'en sortir, you know? Pas pour, d'une manière permanente, but juste pour dire que même quand on réalise nos rêves, it's not like... C'est pas le rêve de la même façon qu'on l'a imaginé. Ouais, c'est ça, c'est la vrai, réalité c'est ça, c'est du ça. Rêve réalisé vraiment comme différent. C'est ouais. pas le paradis soudainement. C'est vraiment pas, non. Au contraire, au contraire. Surtout quand, parce que toi, ça fait c'est ça, 4 ans, je pense, en 2016, t'as commencé vraiment à temps plein. Oui, c'est ça. Ça fait 7 ans en total, mais 4 ans que je le fais vraiment à temps plein. Puis t'es still... T'as toujours pas de sécurité. Puis tu sais, je veux dire... Aucun! T'as eu beaucoup d'opportunités, puis même à ça... It's nothing. T'sais, trust me, I'm like scraping by. C'est ça, tu t'es fait remarquer par Just for Laughs, t'es allé à Toronto dans un festival, le monde sera comme, oh my god, Trina is big, ça va bien. But it's not. Mais c'est ça aussi. Mais ce qui me dérange, par contre, c'est que quand je suis dans les coulisses avec les humoristes qui sont vraiment des grands succès, ouais, et ils parlent de leur vie comme nous parlons de nos vies, I'm like, shut the fuck ouais, up. Ouais, like, ouais, ouais, ouais, ouais, if you're in financial trouble, it's because you're financially irresponsible. Ouais, ouais, ouais. Like, you're making real money, you have real opportunity. Ouais. Like, ouais, shut up. Ben, je sais que... je m'en calais, c'est ton hypothèque, c'est genre 3000 par mois, puis là, ça te met un peu coincé, t'es comme, t'as une hypothèque, tu possèdes quelque chose. Ouais, c'est ça, bravo. Tu sais, c'est comme, au moins... Mais c'est ça, je pense que quand on poursuit, comme, peu importe le type d'art ou l'avenue de la créativité, si on le poursuit avec cette vision d'ego, on sera jamais satisfait. Non. Like, je pense que Madonna est toujours l'exemple que j'utilise. Il n'y a personne qui peut comme, réussir plus qu'elle. Donc, même pas, ouais, maintenant, comme, it's not enough. C'est toujours pas assez. Ouais. Et je veux jamais vivre ma vie de cette manière. Like, il y a un numéro que si je l'atteins, I'm fine. Ouais, ouais, ouais, ouais. I won't need to push so much. Ouais, ouais, ouais. And it's not even that much. You non, moi aussi, je sais que moi aussi, j'ai un montant. Je suis comme 50 000, là, je serais heureux, ça irait super bien. Puis le monde pense qu'il faut absolument être millionnaire puis faire le Centre Bell. Mais non, ça peut être. Tu sais, comme moi, je veux rester underground toute ma vie. Là. Il y a beaucoup d'avantages de rester dans l'underground. Et je pense que même si on regarde comme, même dans l'exemple de Jeffrey Boyer Chapman, everyone's favorite person, it's like, mais quand tu reçois cette visibilité, it opens you up to des commentaires vicieux. Oh, ouais. I don't know what that would be like, t'sais, you know? Nous, ça va bien, le fif, là. On parle juste à des queers, fait qu'il n'y a pas personne qui vient nous achaler. Jamais? Mais... pas à ma connaissance, non. On a jamais parce que de... ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Ah, ouais? Mm-hmm. De recevoir du hate pis tout? A little bit. Oh, God. C'est pas extrême, mais oui. Ah non, nous, on n'est pas encore assez connus. Ouais. Et je le prends toujours comme très à cœur. Oh, haters make me stronger, le genre... Not me, they like, well, éventuellement, je me sens stronger, mais dans le moment, non, like, I feel bad, parce que c'est jamais mon intention de faire mal avec ce que je fais. Ah, plus dans ce sens-là, OK. Yeah. Je pensais que c'était plus des gens qui allaient bâcher, genre, de manière... Non, c'est vraiment plus comme, je pense que c'est plus comme une mauvaise communication, you know, like, il prend quelque chose de mauvaise foi qui, okay, you know, qui n'était pas. Mais ça revient au fait qu'on peut pas contrôler la façon que quelqu'un va... you know, prendre notre matériel. Ouais, ouais. Je pense que ça fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Fait qu'on va aller chercher le dernier café avant la toute conclusion. Ouais, puis, parce que là, moi, je commence à snoozer un petit oui, café. Oui, je sais, je sais. Je te vois t'endormir. Sacrément. Ça va pas bien. Tu essuieras ton filet de balle. C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Trana, d'avoir été avec nous. Merci, c'est tellement le fun. Ça fait plaisir. Bon, là, on sait que c'est 2020 et qu'il se passe rien, là, mais t'as-tu des affaires à plugger? Mais on va lancer la troisième saison de Chosen Family au mois d'octobre. Il n'y a pas une date précise encore, mais ça s'en vient. Oui, le deuxième meilleur podcast de Montréal. Oui, I know you guys are number one. mais je peux dire que... it doesn't really mean anything. I'm sorry, guys. Wow! Si t'étais number one, moi, je pense pas que tu parce que finalement, j'ai eu le number one humoriste. Finally! Comme j'ai, Après avoir été deuxième de, derrière Sugar Sammy pendant tellement longtemps. Wow! Mais ça a rien changé. Non. Devenir numéro un, ça a rien changé. Je te jure que l'article de Culte Montréal est sorti, on n'a pas eu un Chris de follower de plus. C'est ça. C'est pour ça que je vous laisse la première position. Oui, mais toi, en même temps, t'as le record des nominations dans Culte Montréal. Oui, c'est sûr. Genre, t'es dans toutes les catégories. C'est ça, je pense que je suis comme dans 8 catégories. Genre, bon, vrai. Oh, oui. Oui. Wow. Meilleur drink, Trana Wintour. Meilleur bar, Trina Wintour. Genre, tout le monde écrit Trina Wintour partout. Pas vrai, je vais écrire Trina Wintour dans toutes les catégories. Là, surtout qu'à Culte Montréal, pour voter, tu as comme 25 catégories. Oui. Je pense que c'est là où les gens font juste copy-paste Trina Wintour partout. That's what I do. Alors, vous pouvez nous retrouver sur tous